force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous prions chaque matin à OSB, il s'appelle El Shaddai. Est-ce que tu comprends ce que son nom signifie? Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. N'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des mystiques. Ton Dieu, il est le tout-puissant. Invoque son nom, invoque le nom de Jésus et il va renverser toutes les forteresses, toutes les difficultés qui se présentent devant toi. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Matthieu 3, 13 à 17. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons donc Matthieu 3, 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia! Quel passage merveilleux! Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, suivons l'exemple de Jésus qui a cultivé l'humilité. L'humilité est une vertu chrétienne. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons imiter Christ. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont orgueilleux. Ils aiment se vanter. Ils n'aiment pas se soumettre. Ils n'aiment pas qu'on parle d'autres personnes. Ils aiment qu'on parle d'eux. Quel que soit notre titre, notre grade, dans la société, dans l'église, apprenons à cultiver l'humilité. Nous voyons l'exemple de Jésus. Il n'avait pas besoin, humainement parlant, d'aller se faire baptiser par Jean. Parce que lui, il était plus grand que Jean. Mais il a accepté de s'humilier pour accomplir la volonté de Dieu. Il est dit au verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. » Et nous voyons la réaction des gens. Le verset 14 dit, « Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » En tant que chrétien, nous devons avoir l'humilité. L'humilité peut se développer dans plusieurs domaines. Par exemple, le fait d'être enseignable démontre l'humilité. Parfois, nous avons l'impression de tout connaître. Je connais la Bible. Lorsque quelqu'un commence à prêcher, je dis, mais qu'est-ce qu'il peut me dire? Celui-là, il ne connaît rien. Et je ne vais pas le suivre. Nous devons être humbles, enseignables. Il y a des fois, même si je suis un grand homme de Dieu, bishop, archibishop, je peux m'asseoir quelque part et le Seigneur peut utiliser quelqu'un. Peut-être que moi, je méprise. Il peut me parler au travers de lui. Vous voyez, c'est aussi ça, l'humilité. L'humilité se manifeste parfois lorsque nous apprenons à demander pardon aux autres. Un supérieur peut demander pardon à son inférieur. Oui, c'est ça aussi le principe de l'humilité. Un homme marié qui est considéré comme le chef de la femme peut demander pardon à sa femme quand il sent qu'il a tort. C'est aussi ça l'humilité. Oui, je suis en train de parler à toi mon ami. C'est ça l'humilité. Ton problème c'est que tu es très gonflé, tu n'aimes pas t'humilier. Lorsque tu commets une faute, accepte de t'humilier. Jésus était humble. Il a dit quelque part, je suis doux et humble de cœur. Deuxième vérité, l'obéissance à Dieu nous ouvre les écluses des cieux. Vous voyez, même si c'est de manière imagée, mais nous devons saisir cette révélation. Il est dit ici, au verset 18, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. » Je voudrais insister sur cette expression « dès que Jésus eut été baptisé ». C'est-à-dire, il y avait une coïncidence. Il y a des actes, il y a des actes prophétiques qui peuvent déclencher l'ouverture des écluses du ciel. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tant que tu n'obéiras pas à ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tant que tu n'écouteras pas la voix du Saint-Esprit en posant un acte qu'il t'a demandé de faire, le ciel peut rester fermé. Vous voyez, il a fallu que Jésus se fasse baptiser. Et dès qu'il eut été baptisé, il y a quelque chose qui s'est passé. On dit, dès qu'il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un. Le Seigneur est prêt à ouvrir le ciel sur ta vie. Lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, il y a la bénédiction qui va descendre. Lorsque le ciel est ouvert, il y a l'onction du Saint-Esprit qui descend sur ta vie. Lorsque le ciel est ouvert, ton ministère va connaître une autre dimension. Lorsque le ciel est ouvert, l'abondance matérielle et financière sera ton partage. Est-ce que tu comprends cela? Mais le Seigneur te demande de poser un acte d'obéissance. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez, il y a parfois des choses que nous méprisons, des actes négligeables. Quelqu'un peut se demander, mais qu'est-ce que le baptême a à faire avec la descente du Saint-Esprit? Vous voyez, mais Jésus, il a accompli la volonté de Dieu en acceptant cela. Et c'est alors que le Saint-Esprit est descendu pour attester ce qu'il était. Troisième vérité, c'est le témoignage de Dieu sur la personne de Jésus. Nous avons une grande révélation sur la personne de Jésus. Et cette révélation, Dieu le Père l'a faite lorsque Christ était plongé dans les eaux de baptême. Il est dit au verset 17, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a deux vérités principales que nous devons retenir sur Jésus. D'abord, il est le fils bien-aimé de Dieu. Vous savez, l'expression « fils de Dieu », lorsqu'il est utilisé dans la Bible, ça signifie de l'ordre de... Ce n'est pas une expression qui montre seulement l'humanité de Jésus. L'expression « fils de Dieu » montre que Jésus, il participait à la nature divine. Il était de l'ordre de Dieu. Mais en même temps, ce passage nous permet de savoir apprécier les dogmes de la Trinité ou l'affirmation selon laquelle il y a un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, c'est vrai. Mais il y a la pensée de la Trinité qui se dégage ici. Il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais nous voyons, il y a trois personnes qui agissent de manière distincte ici. Celui qui était plongé dans les eaux, c'est la personne du Fils, Jésus-Christ. Et la voix qui se fit entendre dans les cieux, c'était la voix de Dieu le Père. Et au même moment, on voit le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, descendre sur la personne du Fils comme une colombe. Donc, vous voyez, bien qu'il étant uni, mais les trois personnes dans ce qu'on appelle l'économie du salut, dans leurs attributions, sont différentes. D'ailleurs, c'est l'une des croyances des églises dites évangéliques. La plupart des sectes rejettent l'affirmation de la Trinité. Bien-aimés dans le Seigneur, croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous croyons qu'il est le seul moyen du salut de l'humanité. La deuxième vérité que ce passage nous enseigne sur Jésus, c'est que c'est lui le Fils en qui Dieu a mis toute son affection. Vous vous rendez compte? Et l'apôtre Paul va dire, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je vais parler à quelqu'un qui doute de l'amour de Dieu. Tu penses que parce que tu as subi beaucoup d'épreuves, tu viens de perdre un être cher, parce que tu vis des combats, tu penses que Dieu ne t'aime pas. Regarde, si Jésus-Christ est le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection et que Dieu a accepté de te donner en le sacrifiant sur la croix, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Quelle preuve de l'amour de Dieu tu recherches encore? La voix du Père affirme que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Que le nom du Seigneur soit béni. N'est-ce pas merveilleux de connaître toutes ces affirmations? Nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous a donné son Fils unique. Un Dieu capable, un Dieu qui s'est révélé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je voudrais vous demander de chanter ces cantiques pour l'élever, le glorifier, l'adorer. Tout pour moi, Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons le Père qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Bénissons Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Bénissons l'œuvre du Saint-Esprit. Élève ta voix là où tu es. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, toi qui nous montres un exemple d'obéissance et d'humilité. Oui, tu es Dieu, mais tu t'es humilié, tu as accepté de te faire baptiser, tu as obéi aux instructions du Père. Notre prière en ce moment est que tu nous aides à être obéissants à ta parole. Nous voulons, ô Seigneur, t'obéir également et suivre tes instructions jour après jour. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous ouvres les écluses des cieux quand nous obéissons à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à te suivre pas à pas afin que réellement ta main bénédictrice soit sur nous. Nous t'élèvons et nous te glorifions. Toi, le Dieu qui nous bénit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. Sois béni pour le Saint-Esprit de vie qui nous libère. Oh, sois magnifié, Jésus. Toi qui ne nous as pas laissé des orphelins, mais qui nous a envoyé l'Esprit de vie par lequel nous crions « Abba Père ». Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes dans notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Matthieu 3, 13 à 17. Vous pouvez réécouter cette émission en consultant notre site web www.radiofréquencevie.com et vous avez la possibilité de télécharger l'application Android Fréquence Vie. Il suffit d'aller sur Play Store dans Google et vous tapez Fréquence Vie et puis vous téléchargez. Le téléchargement peut prendre 3 à 5 minutes et vous aurez l'icône de la radio Fréquence Vie sur l'écran de votre téléphone et vous pouvez facilement suivre OSP sans trop de difficultés. Nous venons de voir quelques vérités dans ce passage. L'humilité est une valeur que Christ a cultivée. Il a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Nous allons prier chacun de nous pour que Dieu nous aide à cultiver l'humilité. Prions pour briser et chasser l'esprit d'orgueil. Cet esprit d'orgueil qui mine souvent nos relations entre frères et sœurs, qui mine les relations dans les foyers. Prions que cet esprit soit brisé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Merci parce que tu nous enseignes une vertu très très importante qui était en Jésus-Christ nommée humilité. Et c'est pour cela le livre de Philippiens 2 verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci et merci. Oui, réellement, sincèrement et pour toujours, tu es notre guide, notre référence, notre Dieu. Et c'est en lui que nous voulons puiser, oui, notre force, nos comportements pour agir. Et ce matin, nous voulons cultiver l'humilité. Père, brise en nous l'esprit d'orgueil qui mine les relations. Brise l'esprit d'orgueil dans nos foyers, dans nos maisons. Brise l'esprit d'orgueil dans nos entreprises, dans nos sociétés. Merci de qualifier quelqu'un comme humble afin que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'obéissance peut ouvrir les écluses des cieux. C'est lorsque Jésus a accepté d'être plongé dans les eaux du baptême, automatiquement quelque chose s'est passé dans le ciel. Les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendu. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à obéir. Peut-être que tu luttes avec Dieu. Ça fait longtemps que Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Mais tu luttes, tu n'arrives pas à obéir. Et cela bloque certaines bénédictions. Cela fait que le ciel est fermé. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde cette grâce de marcher dans l'obéissance. Une obéissance qui déclenche l'ouverture de portes du ciel et que sa gloire descende sur nous et qu'une onction spéciale descende sur nous. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Te rendons toute la gloire, l'honneur, l'élévation, la majesté. Parce que dans ta parole, tu nous dis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que la chair, vaut mieux que l'activité qu'on accomplit. Nous voulons obéir, comme le Christ, qui est Dieu qui s'incarne, qui s'est humilié, qui s'est rabaissé, pour pouvoir nous sauver. Aide-nous à être humbles dans notre vie de tous les jours, à être humble dans notre foyer, à être humble au niveau de notre ministère, à être humble là où nous travaillons, à être humble dans notre langage, à être humble, l'humilité. Seigneur, apprends-nous à être obéissants. L'obéissance, c'est le fait d'être conduit par ta parole, être conduit aussi par ton esprit, à mettre en pratique ce que ta parole nous dit, ce que ton esprit nous communique. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que l'orgueil précède la chute, l'humilité, la gloire, l'obéissance. Nous en avons besoin partout. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir les témoignages selon lesquels Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui en qui Dieu le Père a mis toute son affection. Nous devons le confesser comme tel et croire en son nom comme moyen du salut. Nous devons croire que c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Il nous a donné son Fils unique et prions pour que chacun de nous puisse placer sa foi et sa confiance en Jésus-Christ. Prions pour nos frères et sœurs, pour des amis qui ne les connaissent pas encore, afin qu'ils puissent reconnaître Jésus comme le Seigneur, le Sauveur. Prions même pour des parents qui sont membres d'autres religions, qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Prions pour que Dieu leur ouvre l'intelligence, afin que réellement ils se tournent vers lui. Prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions. Seigneur, merci parce que c'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Pour eux, il n'y a point de changement. Ils ne craignent point Dieu. Et leur bouche est remplie de malice. Leur bouche et leurs paroles sont des paroles méchantes, des paroles blessantes, des paroles sans remords qui n'édifient point. Ce matin, je veux te dire infiniment merci parce que tu nous as fait grâce de reconnaître que Christ est Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et nous le confessons et nous marchons avec lui par son esprit au milieu de nous, dans notre service, dans nos familles, dans nos maisons. Ils sont nombreux ceux-là qui sont ces insensés. Ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent selon la convoitise de leur cœur, selon les désirs de leurs pensées. Nous savons qu'au dernier jour, Seigneur, tu leur diras que tu ne les connais point parce qu'ils ne t'ont pas confessé. Oui, quand ils étaient là parmi les hommes. Père, aie pitié, sanctifie, purifie-nous. Nous voulons intercéder pour ces personnes. Toi qui dis, tu veux que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Nous prions pour notre frère. Nous prions pour notre sœur qui est encore endurcie. Éternel, mon Dieu, que le cœur de Pierre tombe afin que ton cœur de chair soit installé. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur, pour leur donner, oh Dieu, de se repentir et d'abandonner les mauvaises œuvres et donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux rappeler que nous avons déjà commencé les inscriptions pour le séminaire à l'école du Seigneur sur le catholicisme. Il est très important que nous puissions comprendre les fondements de l'Église catholique. C'est l'Église mère de laquelle sont sortis tous les évangéliques. Nous allons étudier pour comprendre la différence entre le catholicisme, le protestantisme évangélique. Nous allons voir nos points communs et nos points de différence. Ce sera un enseignement de haut niveau. L'entrée, il faut payer 5000 francs. Les places sont limitées à 250 personnes. Venez payer votre ticket à la réception de la radio Fréquence Vie. Le jour du séminaire, c'est le samedi, la semaine prochaine, le samedi 9 juillet, de 9h à 13h au CPE. Mais nous rappelons que ce dimanche 3 juin, nous aurons rencontre bonheur conjugal pour le couple marié. Thème, l'origine, les manifestations et les conséquences de la dépression. L'entrée est libre à 17h. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.